Oya lelo otokomi nanu te tokoki mama ngote yango toko zelati tango mokola mwe kokoma tukina mama ayoyoyoyoyo yaka na binano oba yebi nanu te bimpwaka yebi nanu te yango toko bunda titango mokolo toko yebae Bakwetuwe Aka aujourd'hui je vais bouger Ah je vais bouger Aujourd'hui je vais manger Ah je vais manger Aujourd'hui je vais croquer Ah je vais croquer Aujourd'hui je vais danser Ah je vais danser Aujourd'hui je vais swinguer Ah je vais swinguer Aujourd'hui je vais bouger Ah je vais bouger Aujourd'hui je vais partir Ah je vais partir Aujourd'hui je vais piquer Ah je vais piquer Aujourd'hui je vais goûter Ah je vais goûter Aujourd'hui je vais draguer Ah je vais draguer Aujourd'hui je vais tchatcher Bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, bonge, b bien.